De ce jour, Nicolas renonça à tous ses projets de solitude. La répugnance qu'il avait conçue pour la veuve Léman, d'après les aveux de sa fille, céda bientôt devant le désir de la voir plus souvent. Il cultiva l'amitié de M. Florimond en flattant ses goûts aristocratiques, et celle de la veuve en s'invitant lui-même chez elle à des soupers qu'il faisait venir de chez le traiteur. Il avait soin même d'y ajouter toujours quelques grosses volailles qui reparaissaient pendant les jours suivants sur la table de l'avare Madame Léman. Nous avons dit que c'était seulement les dimanches que Sarah pouvait venir rendre visite à Nicolas. Le reste de la semaine, elle demeurait dans la maison où elle faisait son apprentissage. Le lendemain, lundi, on entendit un grand bruit dans l'escalier. « Vous êtes une effrontée !» criait Madame Léman à sa fille. « Si je ne le suis pas, ce n'est pas votre faute !» répondait cette dernière. « Attends, insolente, attends !» Et Nicolas descendit au cri de Sarah. « Une fille, monsieur, qui me répond des impertinences ?» s'écria la mère. « Ma chère Sarah, calmez-vous, » dit Nicolas. Mais la jeune fille le reçut assez mal, et cependant s'adoucit un peu en s'habillant pour aller chez ses maîtresses. Madame Léman dit à Nicolas quand elle fut partie, « N'est-il pas malheureux de n'avoir qu'une enfant et de la voir aller chez les autres ? Pourquoi ne pas la garder chez vous ? Ah, monsieur, je suis si pauvre. Et puis je ne voudrais rien devoir à mes amis. » Nicolas était alors dans une assez bonne position. Ses premiers romans, surtout Le paysan perverti et Les contemporaines, lui rapportaient beaucoup, plus que son travail d'imprimeur. « Prenez votre fille chez vous, » dit-il à Madame Léman, « et nous ferons ce que nous pourrons pour son entretien. » « Dans le fait, » dit la mère, « il y a au second un logement qui va être libre. Nous le meublerons à frais commun. Vous serez son père, et nous ne ferons qu'une seule famille. » À la fin de cette semaine, Sarah cessa donc d'aller travailler chez les demoiselles Amé. Bientôt, la liaison devint complète, indissoluble. C'était des causeries sans fin, des dîners délicieux, souvent à la campagne ou aux barrières, en compagnie de la mère et de Florimond. Toujours pendant ses repas, le petit pied de Sarah restait posé sur celui de Nicolas. On allait aussi au spectacle avec les billets qu'obtenait l'écrivain par ses relations littéraires. Et là, toujours, la jeune fille, indifférente à l'admiration qui excitait sa ravissante beauté, laissait l'une de ses mains dans celle de son ami. Cependant, Madame Léman n'admettait pas qu'on se divertît sans elle, et lorsque dans la journée il se présentait quelque occasion de sortir, pour la jeune fille et pour Nicolas, elle les faisait toujours accompagner par Florimond. Ce dernier, usé par les excès de toutes sortes, était d'une compagnie assez morne, mais n'avait rien d'hostile à l'attachement des deux amants. Il les suivait comme un chien de berger, sans interrompre leurs tendres entretiens. Un jour, Nicolas s'était chargé d'acheter pour la mère des graines et des oignons de fleurs. Elle était, nous l'avons dit, du Brabant, et curieuse de tulipes. Sarah et lui partirent pour le quai aux fleurs, et furent si longtemps à fixer leur choix, que Florimond, fort ennuyé, se décida à entrer dans un cabaret d'où il les suivait des yeux. Quand il revint, il se tenait à peine sur ses jambes. Sarah lui dit de se charger du sac de graines, et pendant qu'il cherchait à l'affermir sur ses épaules, elle écrivit au crayon un billet pour sa mère, dans lequel elle lui disait que le Florimond était tellement gris que, voulant aller à la promenade, Nicolas et elle s'étaient fait conscience de l'y entraîner. Florimond partit avec ce billet qu'il ne lut pas. « Si nous allions au spectacle, » dit gaiement Sarah. Nicolas jeta les yeux sur elle. Elle était fort joliment coiffée d'un chapeau à l'anglaise et d'un casaquin de taffetas à reflets changeants. L'heure du spectacle était encore éloignée. Ils prirent par le plus long. Nicolas conduisit la jeune fille le long des quais jusqu'à l'île Saint-Louis, qu'il affectionnait particulièrement, comme on sait dans ses promenades solitaires. La vue en était charmante alors, parce qu'on y découvrait d'un côté la campagne et de l'autre le magnifique aspect des deux bras de la Seine, de la vieille cathédrale et l'hôtel de ville. Le Mel et la Râpée, s'étendant à droite et à gauche, bordés au loin de guinguettes, au berceau verdoyant, présentait aussi un spectacle fort animé. Nicolas avait encore une pensée. C'était de faire voir à Sarah les pierres du quai sur lesquelles il avait gravé le chiffre mystique, AD, AD, Adeline adorée, à l'heure où il venait dans ces lieux mêmes exhaler les plaintes d'un amour sans espoir. Tout était changé. Les deux amants gravèrent tour à tour sous ces chiffres à demi effacés les initiales réelles de leur nom, et ne quittèrent l'île qu'après avoir vu le soleil descendu derrière les tours énormes du petit Châtelet. Ils remontèrent par la place Maubert, la rue Saint-Séverin, la rue Saint-André-des-Arts et celle de la Comédie, pour arriver à ce même théâtre encore plein pour Nicolas des souvenirs de la belle Guéant. Chemin faisant, il racontait avec larmes cette histoire de sa jeunesse, et Sarah s'unissait de tout son cœur au chagrin de son amie. « Morte, elle est morte !» s'écriait Nicolas. « Morte comme cette autre si belle et plus aimante, Madame Parangon, et tout ce que j'aimais est ainsi dans le tombeau. Et moi, est-ce que je ne t'aimerais pas comme elle ?» disait Sarah attendrie. « Quelque temps peut-être, mais après. Mon ami, ne parle plus ainsi. Songe que je suis impressionnable à l'excès. Ne mets jamais à l'épreuve cette sensibilité, qui n'a fait encore que mon supplice. Oh, pardonne, ma fille, c'est que j'ai beaucoup vécu, beaucoup souffert, et toi ? Moi, je n'ai que souffert, et je serais plus affecté de ce qui viendrait de ta part que de tout ce qui m'est arrivé. » Il s'était placé dans la salle. On jouait justement la pupille de Fagan, où Mademoiselle Guéant avait été si ravissante de sentiments et de grâce. Nicolas, comme tous les esprits pleins d'orgueil, croyait toujours à quelque fatalité, qui, relativement à lui seul, prenait la place du hasard. Il ne pouvait s'empêcher cette fois de trouver la pièce détestable, l'actrice déplaisante, et ne remarquait pas que dans la loge voisine de la sienne, il venait d'entrer une très jolie femme qui avait les plus beaux cheveux cendrés. On commençait alors à ne plus porter la poudre, un bel œil sous un sourcil noir, et des manières pleines de distinction. Sarah la lui fit remarquer. « Elle est bien, dit-il, mais comme vous êtes plus belle !» Cette femme, se voyant l'objet de l'admiration de Sarah, saisit une occasion pour lui dire quelque chose d'obligeant. Celle-ci répondit avec froideur. Nicolas, s'en étonnant, elle lui dit à l'oreille, « Je suis très jalouse. Si j'avais lié conversation avec elle, tu aurais pu lui parler, et tu as trop de mérite pour ne pas lui plaire. » Nicolas répondit plein de joie, « Mais qui pourrait me plaire à moi si ce n'est Sarah ?» Après cette soirée délicieuse, la difficulté étant d'affronter la colère de Madame Léman, Nicolas eut l'idée la plus triomphante en pareil cas. Ce fut d'acheter une paire de pendeloques assez belles chez un bijoutier de la rue de Bussy. La précaution n'était pas inutile, car en entrant, Nicolas et Sarah trouvèrent devant la porte l'infortuné Florimond que la veuve avait mis dehors en le voyant revenir seul. Dégrisé par la scène d'imprécation qu'il avait subie, il se livrait au désespoir. Nicolas affronta bravement l'orage, qu'il parvint à calmer, en faisant briller entre ses doigts sa récente acquisition. Tout rentra dans l'ordre habituel. La mère était toutefois décidée à ne point admettre qu'on prît du plaisir en son absence. « Puisque Sarah a besoin de distraction, dit-elle un jour, je la conduirai à la promenade sur les grands boulevards. » Elles partirent donc pour s'y rendre par une belle soirée de printemps. Nicolas, retenu jusqu'à 7 heures à son imprimerie, devait les aller rejoindre. Il les retrouva assises sur des chaises dans une contre-allée, faisant partie de 2 ou 3 rangées de femmes élégantes et très remarquées. Un homme, mis avec soin, fort brun et qui paraissait un créole, s'était assis près d'elle. Il avait déjà noué une conversation assez soutenue avec la mère. Sarah semblait sérieuse. Elle sourit en apercevant Nicolas et lui fit place près d'elle. Le cavalier ne tarda pas à saluer ses nouvelles connaissances et reprit sa promenade. 2 ou 3 jours après, une affaire importante empêcha Nicolas d'aller retrouver les dames à l'heure habituelle. Madame Léman lui dit en raillant que le cavalier brun leur avait tenu compagnie. La même circonstance se reproduisit l'un des jours suivants. Sarah prit Nicolas à part en rentrant et lui dit « Vous m'abandonnez à des vues que vous n'ignorez pas. Ah, mon ami !» Quelques jours plus tard, Madame Léman parla d'une occasion qui se présentait pour marier sa fille à un homme de condition. Ce fut un coup de poignard pour l'écrivain, qui commençait, était marié, bien que séparé depuis longtemps de l'indigne Agnès Lebègue. Il répondit en soupirant que le bonheur de Sarah était pour lui au-dessus de tout, mais qu'il espérait que le prétendu serait digne d'elle. Le lendemain, comme il était indisposé, il vit se glisser sous sa porte une lettre ainsi conçue. « On veut absolument que ta fille sorte aujourd'hui sans toi, cher bon ami. Il faut souffrir ce qu'on ne saurait empêcher. » Tâche de guérir ton rhume et de te bien porter. Si tu pouvais me trouver une place près d'une dame ou seulement de l'ouvrage, j'aurais de la fermeté pour résister et je vivrais satisfaite comme on peut l'être dans ma position. Aime toujours ton ami. » Signé Sarah. De ce jour, Nicolas alla rendre visite à une dame de condition qui habitait l'île Saint-Louis et dont il a parlé souvent dans ses nuits de Paris. cette dernière consentit à recevoir Sarah comme demoiselle de compagnie. En rentrant, il rencontra la mère et la fille en voiture. Madame Léman lui cria qu'elles allaient au palais royal, qu'il n'avait qu'à les venir rejoindre comme à l'ordinaire. Rassuré sur les sentiments de Sarah par sa lettre, il eut l'imprudence de ne pas se presser. Quand il arriva, elles étaient parties. Nicolas retourne à la maison. Point de lumière. Le cadenas de la porte n'est point ôté. Il monte chez lui, se consume d'impatience, se promène à grands pas et sort de temps en temps pour aller au-devant des deux femmes. Personne ne vient. Minuit sonne. Au dernier coup, ses yeux fondent en larmes. Il se rappelle ce que lui a dit Sarah, ce qu'a insinué sa mère. À 1 heure du matin, n'y pouvant plus tenir, il se met à parcourir les rues. Le hasard le ramène sur les quais déserts de l'île Saint-Louis. Il cherche à la clarté de la lune le nez pierre où il a inscrit les chiffres amoureux, complétés par la main de Sarah, et en les retrouvant, il pousse des gémissements et des cris de désespoir. Un homme ouvre sa croisée et lui demande ce qu'il a. « C'est un père, répondit-il, qui a perdu sa fille. » Il rentre dans sa chambre avec l'espoir qu'elles ont pu être invitées à un bal. Rien encore. À 5 heures du matin, Nicolas s'assoupit de fatigue. Il voit dans un rêve apparaître Sarah, ses belles tresses blondes éparses sur sa poitrine et criant « Mon ami, sauve-moi, sauve-moi !» Il se réveille. Le jour est avancé déjà. Personne n'est rentré. Le surlendemain seulement, Nicolas entendit une voiture s'arrêter à la porte. Jusqu'à ce moment, toutes les voitures qui passaient lui avaient fait bondir le cœur. Il se précipite dans l'escalier. Madame Léman rentrait sans sa fille, accompagnée d'un inconnu, ou plutôt d'une connaissance bien nouvelle, le galant créole des boulevards. « Où est votre fille ? » s'écria brutalement Nicolas. « Elle est restée à la campagne, chez monsieur de la Montette, que vous voyez, et qui a bien voulu me ramener ici. Et pourquoi laissez-vous votre fille seule chez un homme ? Et pourquoi me le demander ? D'ailleurs, Sarah n'est point seule. Elle est là-bas avec la famille de monsieur. Et monsieur est avec moi, comme vous voyez. » Monsieur de la Montette s'inclina en observant finement l'étrange expression du visage de Nicolas. Il était clair, du reste, que la veuve Léman tenait à ménager ce dernier. « Est-ce que ma fille ne vous avait pas prévenu de notre partie de campagne ? » dit-elle d'un ton radouci. « Je n'en savais pas un mot. »« Ah, la pécore ! » s'écria Madame Léman. Elle employa même un terme plus vif en priant aussitôt M. de la Montette d'excuser la sévérité d'une mère comme appréciation de son enfant. « Monsieur était devenu pour ma fille un second père, » ajouta-t-elle en montrant Nicolas, « et je comprends son inquiétude. Mais Sarah avait mis un mot sous votre porte, » lui dit-elle encore. « c'est vrai, madame, » répondit-il en se retirant. « Je l'avais oublié. » Nicolas était confondu. S'il s'agissait d'un mariage avec un homme de considération, sa générosité l'empêchait de s'y opposer. Son cœur même en eût été moins froissé, sans doute. Mais la lettre de Sarah, qui d'ailleurs ne disait pas un mot de la partie de campagne, indiquait un danger d'une autre nature. Pendant qu'il réfléchissait, ballotté dans cette incertitude, la voiture était repartie. Car Madame Léman n'était revenue chez elle que pour prendre quelques effets. Courir après une voiture pour savoir où elle s'arrêterait, Nicolas l'avait tenté jadis avec succès. Mais quelle apparence qu'à plus de 40 ans on put renouveler ce tour de force. Il fallut attendre toute la nuit et tout un jour encore. Le surlendemain, Sarah frappait à la porte de son ami d'une manière bien connue. Il renverse tout pour ouvrir. Sarah lui dit d'un air glacé. « Eh bien, qu'est-ce donc ? Me voilà. »« Qu'est-ce donc ? Mais vous ai-je rien dit, ma pauvre enfant ?»« Non, » dit Sarah embarrassée, « mais votre air effaré. » »« Mon air n'était pas un reproche. Vous avez prévu seulement qu'après une absence de 3 jours... »« Vous dînerez avec nous, n'est-ce pas ?» reprit Sarah, qui s'était tenue près de la porte, et que sa mère rappelait dans cet instant. Nicolas vit bien que tout était fini. « Maintenant, se dit-il, soyons véritablement pères, et sachons si cet homme est capable de la rendre heureuse. » Il descendit pour le dîner et y trouva M. de la Montette. C'était un homme de près de 40 ans, que les patients ne semblaient jamais avoir trop inquiété. Nicolas se sentit très inférieur à son rival, et crut encore qu'il ne s'agissait que d'un mariage de raison. La réserve de la jeune fille s'expliquait par là. Seulement, il eut le chagrin de ne plus sentir le petit pied de Sarah s'appuyer sur le sien. Le dîner se serait terminé fort convenablement si, vers la fin, la mère, dans un moment d'expansion, ne se fût écriée en regardant M. de la Montette et dire que nous ne connaissions pas monsieur il y a 15 jours. Si M. Nicolas était venu nous rejoindre avant 7 heures, nous avions le projet d'aller au spectacle et nous n'aurions pas eu le plaisir de rencontrer un cavalier si aimable, qui est devenu pour nous un véritable ami. Ô supplice ! Pendant que Nicolas se disait « Et il faut m'avouer encore que c'est ma faute !» Sarah se penchait languissamment sur le bras du créole et ne semblait point choquée de l'exclamation triviale de sa mère. Il appela toute sa philosophie à son aide et ne marqua nul étonnement. Après le dîner, on alla se promener au jardin des plantes. La politesse commandait que l'invité prît le bras de Sarah, ce qui obligeait Nicolas d'offrir le sien à la mère. Mais il songea aussitôt que c'était la corvée habituelle de Florimond, lequel était parti pour un voyage relatif aux affaires de la veuve. Nicolas, déjà connu comme écrivain, craignit les regards et se contenta de marcher près de Madame Léman. Cette dernière, contrariée, dit à sa fille « Une jeune personne n'a pas besoin de s'appuyer sur un bras, je m'en passe bien. » Monsieur de la Montette dut faire comme Nicolas, mais son entretien avec Sarah paraissait fort animé et même fort tendre. À la fin de la soirée, Monsieur de la Montette invita les deux dames à dîner pour le lendemain, et comprit Nicolas dans cette invitation. C'était d'un homme bien élevé. Pourtant, l'écrivain ressentit au cœur une douleur mortelle. Son rival avait l'avantage de ce moment, car au dire de Sarah elle-même, Monsieur Nicolas avait été bien maussade toute cette soirée-là. Le lendemain, Monsieur de la Montette fit les honneurs de sa villa avec beaucoup de convenance. Sa conversation marquait de l'esprit. Du moins, il savait compenser par l'usage du monde ce que Nicolas avait de plus élevé par l'imagination. La journée fut terrible pour ce dernier. Partout éclatait la supériorité de l'homme de goût et du propriétaire. Plusieurs autres invités se trouvaient réunis dans la maison, principalement des gens de loi et de finance. Sarah était mal à l'aise, parce que sa mère se livrait parfois à des observations qui trahissaient une éducation négligée. Elle sentit le besoin de soutenir presque continuellement la conversation et le fit avec un certain esprit de liberté et de saillie qui prouvait moins de naïveté qu'elle n'en avait laissé supposer jusque-là. Lorsqu'on se leva, Nicolas s'alla mettre à une fenêtre et pleura à chaudes larmes en disant « Tout est fini ». Sarah, passant près de lui, le frappa en riant et lui dit « Que faites-vous là? Vous ne descendez pas au jardin ?» Il ne se retourna pas, n'osant montrer son visage décomposé. Sarah s'écria brusquement « Eh bien, restez, vous êtes bien ennuyeux !» L'orgueil révolté tarit les pleurs dans les yeux du malheureux. « Il te sait bien, se dit-il, d'aimer encore. Souviens-toi de celles qui ont été pour toi malheureuses et perdues. » Il se remit et descendit au jardin. Sarah cueillait des roses avec une joie enfantine et en formait des bouquets qu'elle distribuait aux dames de la société. Monsieur de la Montette, voyant venir Nicolas, l'emmena dans une allée et lui parla avec une telle affabilité qu'il semblait n'avoir conçu aucune idée d'une rivalité possible entre eux deux. Ils parlèrent longtemps de la jeune fille. Nicolas ne put s'empêcher de la louer avec enthousiasme. Toute l'imagination de l'écrivain se déploya dans ce panégyrique. Le cœur y joignait aussi tout le feu dont il brûlait encore. Monsieur de la Montette, étonné, dit à Nicolas « Mais vous l'aimez donc ?»« Je l'adore, » répondit celui-ci. « Pourtant sa mère m'avait dit que vous n'aviez pour cet enfant qu'une amitié tout à fait paternelle. » J'aurais pensé plutôt, d'après les âges, qu'un sentiment assez tendre pour Madame Léman, qui est belle encore. « Moi ? » s'écria Nicolas, vivement offensé, et regardant en face Monsieur de la Montette, il se dit « Mais cet homme a presque mon âge. Pour 5 ans ou 6 ans de différence, il me croit incapable d'être son rival près d'une jeune fille. » Toutefois, il se contint, mais l'aigreur de la jalousie et de l'amour-propre blessé changea entièrement le ton de sa conversation. Tout son ressentiment éclata dans ce qu'il dit de la mère. Il raconta les amours du jeune de l'arbre, la proposition de 20 000 francs faite par M. de Végon, et qui avait failli être acceptée. Il fit plus, il trahit sa propre position, les sacrifices qu'il avait faits, l'amour de Sarah tant de fois juré, les rendez-vous, les parties de spectacle, les lettres écrites. « Maintenant, s'écria-t-il enfin, je vois que j'ai été joué, trompé, comme vous allez l'être. »« Trompé, dit M. de la Montette. Pourquoi donc? J'ai de l'expérience, et j'avais compris tout cela. Quoi, vous souffririez qu'une mère vous vendît sa fille? Mais non, mon cher, je n'achète pas l'amour. Vous voyez donc qu'il vous faut renoncer à elle. Pourquoi donc? Si je ne lui plais mieux que tout autre. » Au moment où Nicolas, étourdi de cette réponse, allait rassembler toutes ses forces pour une provocation, le visage frais et souriant de la jeune fille apparaissait entre les arbres. Insouciante et folâtre, ignorante surtout de ce qui venait de se dire, elle apportait un paquet de roses dont elle fit 2 parts qu'elle leur offrit. Il faisait déjà sombre dans cette allée, et elle ne put apercevoir la figure attristée de Nicolas. Ce dernier avait senti tomber toute sa colère. Sarah leur dit à tous les deux des choses obligeantes, puis disparut, comme pour les laisser au charme d'un sérieux entretien de politique ou de philosophie. « Écoutez, dit la Montette, je ne suis plus à l'âge de l'enthousiasme, et le vôtre m'étonne. Il paraît que cela se conserve plus longtemps chez les écrivains. Puisque vous aimez cette jeune fille à ce point, je renoncerai à mes vœux. Cependant, si elle ne vous aimait pas, vous m'en avez dit tant de bien que je chercherais d'autant plus à lui plaire. » Un moment auparavant, Nicolas eut provoqué en duel la Montette, et maintenant il se sentait ridicule. Le sang-froid de son rival l'avait vaincu. Avec cette terreur profonde de la vérité qui est le propre des amants trahis, il n'osa pousser plus loin les choses. Seulement il prétexta des affaires qui l'obligeaient de retourner le soir même à Paris. On parut vivement regretter son départ, et tout le monde sortit pour le reconduire sur la route. Sarah marchait près de la Montette avec la même gaieté qu'auparavant. Ce dernier lui dit « Mais prenez donc le bras de M. Nicolas !» Cette générosité était le coup le plus sensible pour un rival malheureux. Nicolas tenta de cacher son chagrin, mais il ne put s'empêcher de dire à Sarah qu'il avait instruit M. de la Montette des intentions de Mme Léman, et autres particularités peu édifiantes. Alors la jeune fille entra dans une grande colère. « En vérité, monsieur, dit-elle, je suis fâchée de vous avoir connu et d'avoir été affectueuse et bonne avec vous. De quel droit vous mêlez-vous de ce qui me concerne? De quel droit révélez-vous des secrets et déshonorez-vous ma mère? Au reste, ajouta-t-elle en élevant la voix, je ne sais pourquoi nous allons ainsi ensemble. C'est sans doute pour faire croire que nos relations n'ont pas toujours été innocentes. Osez le dire, monsieur. » Nicolas ne voulut même pas répondre. Le rouge sur le front, la mort dans le cœur, il n'eut pas la force d'être généreux en venant en aide aux mensonges de la jeune fille. Il salua gauchement la société, et ce ne fut qu'en poursuivant sa route qu'il exhala tour à tour ses plaintes et ses imprécations. Une seule pensée venait tempérer sa douleur, c'était de reconnaître que la Providence l'avait justement frappé.